Alors, pendant que les enfants rejoignent leur classe, eh bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pendant ce culte. Nous avons des hispanophones au fond, Wilson et Nancy. Nous avons des anglophones qui viennent d'Inde, mais qui parlent un petit peu anglais. Donc, le passage, ils parlent, pardon, français aussi un petit peu. Le passage que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, des versets 32 au verset 37. Evangelio de Marcos, capítulo 7, del versículo 32 à 37. C'est la seule chose que je dirais en espagnol. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas faire une double prédication, sinon on va rester longtemps. Et très honnêtement, je n'avais pas prévu. Donc déjà, ils ont la base. Ça pourra déjà servir. On amena à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler. Et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephphatha », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés au plus haut point et ils disaient « tout ce qu'il fait est vraiment bien ». Il fait entendre les sourds et parler les muets. Jusque-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, on dit souvent que longue lecture, petite prédication. Et on dit souvent aussi que petite lecture, longue prédication. Alors, je ne sais pas si elle sera longue. Mais en tout cas, ce que je voudrais partager avec vous, je ne sais pas si on m'entend bien. Si, oui, pardon. Ce que je voudrais partager avec vous, on pourrait se résumer en quelques mots. Des gestes qui touchent, un soupir et une parole touchante. Voilà en quelques mots ce que je vous invite à partager ce matin à travers la lecture de ce texte de l'Évangile. Alors, le récit très court de la guérison de cet homme sourd et incapable de parler correctement est l'occasion pour l'évangéliste Marc de redire la puissance et l'originalité de la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il y a dans ces quelques lignes de l'Évangile tellement de choses qui sont vraies. Et ces choses vraies, je pense qu'elles nous rejoignent, je le crois, dans ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos infirmités, qu'elles soient visibles ou qu'elles soient cachées. Je ferai tout d'abord deux remarques avant de commencer. Tout d'abord, et je parle sous couvert des nombreux médecins qu'il y a dans l'assistance, tout d'abord, bien avant que la médecine moderne lui donne raison, le texte de l'Évangile vient démystifier ici une tromperie collective, corriger un raccourci que nous faisons bien souvent, soit par une sorte d'abus de langage ou par ignorance. Les sourds, ça n'existe pas. Chez les personnes sourdes, les cordes vocales sont intactes. Elles sont là, comme endormies, inexploitées, comme un talent enfoui dans un linge, comme si elles attendaient le soupir, le souffle qui viendrait les faire vibrer. Si les personnes sourdes s'expriment par le langage des signes ou par les gestes, si vous préférez, c'est tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas entendre et moduler leur voix. Mais tout est là. Je dirais que tout est là, prêt à fonctionner. Et ce dont il est question ici, c'est d'une surdité, d'une infirmité qui isole, qui ne permet pas l'expression singulière du langage humain et qui va venir rendre la communication difficile. Ce qui a besoin d'être touché ici en premier lieu, c'est d'abord l'oreille, puis, dans un second temps, la langue. Alors, ce miracle a une valeur pédagogique, il est consigné dans cet évangile pour instruire les disciples, mais aussi pour fortifier la foi des croyants qui en feraient bien plus tard la lecture comme nous aujourd'hui. Et nous le savons, l'apprentissage du langage commence toujours par l'écoute, par le façonnage de l'oreille, par l'habitude d'entendre. Écoutez. Écoutez pour parler. Écoutez le Christ pour parler du Christ. Entendre. Entendre, c'est une question d'oreille intérieure. Je pousserai même jusqu'à dire que c'est une question d'oreille interne. Vous savez, cette oreille qui, lorsqu'elle est endommagée, est responsable d'un certain déséquilibre. On le sait, pour soulager cette pathologie, il existe une solution qui est assez spectaculaire. Un kiné vous prend dans ses bras et vous bascule dans tous les sens, de manière à remettre de l'ordre dans ces petits micro-cristaux qui se trouvent justement dans cette oreille interne. Et je pense qu'il y a là une belle illustration de ce qui se passe ici dans ce texte. Il faut consentir au geste professionnel du basculement. Pour remettre de l'ordre dans notre oreille interne, il faut consentir à ce basculement, à cette inversion. Il faut consentir, je le crois, à une conversion de notre oreille, à une remise en état de ce qui est déplacé ou de ce qui est abîmé. Entendre, s'entendre, s'écouter pour entrer en relation, avoir du mal à parler, à se parler, c'est tout d'abord un mal de l'oreille, car il faut s'entendre pour se parler. Et le texte biblique ne s'y trompe pas lorsqu'il précise qu'il s'agit d'un sourd qui avait de la peine à parler, verset 32. Pour le dire avec la métaphore du casque audio, c'est avant tout un problème d'écouteur avant d'être un problème de micro. Seconde remarque, malgré les supplications des personnes bienveillantes qui lui amènent cet homme, j'observe que Jésus ne se laisse pas enfermer dans la solution qui lui est proposée. On supplie Jésus de poser la main sur lui, mais Christ ne fait pas ce qu'on lui demande. Et je pense que ce détail en dit long. Ce détail en dit long sur les rapports que bien souvent nous entretenons avec le Christ. On aimerait tellement que le Seigneur fasse tout comme on lui demande, que nos prières soient entendues en l'état, qu'elles trouvent un écho de manière immédiate. Et je pense très sincèrement que nous devrions apprendre à remercier Dieu pour toutes les fois où il ne nous a pas écoutés, pour toutes les fois où il n'a pas cédé à la folie de nos conseils, toutes ces fois où, comme vous l'avez noté ici dans ce passage, il feint de ne rien entendre, toutes ces fois où, par amour, mais surtout parce qu'il voit plus loin que nous, il ne s'est pas plié à nos injonctions. Cela étant, vous remarquerez comme moi qu'il y a en ce moment, je dirais comme une envolée spéculative sur le marché du geste. On nous demande constamment de faire un geste. On tente de nous réduire soit au plus, des gestes en moins, soit au plus, des gestes en plus, donc soit au moins des gestes en moins. Il y a des gestes à adopter, j'appellerais ça des gestes plus. Et il y a des gestes à proscrire, j'appellerais ça des gestes moins. Alors souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, on nous demandait d'apprendre et de répéter à l'envi des gestes pour garantir notre santé, celle des autres, et pour sauver aussi au passage notre système de santé. En ce moment, on nous exhorte à la sobriété énergétique, c'est-à-dire on nous demande d'effectuer d'autres gestes pour économiser de l'énergie, et par la même occasion pour atténuer les effets néfastes de notre mode de consommation sur la planète. Alors on le sait, et vous pourrez allonger la liste certainement, il y a toutes sortes de gestes. Il y a des gestes malheureux, des gestes déplacés, des gestes de dépit, des gestes désespérés ou irréfléchis, des gestes sanitaires, des gestes pour la planète, mais ils n'ont rien, absolument rien de commun avec les gestes de salut, ces touchés de la grâce que le Christ pose sur cet homme. Alors, on le sait aussi, la sagesse populaire nous recommande que, pour être cohérent avec nos paroles, il nous faut joindre le geste à la parole, comme pour souligner combien le corps ne peut demeurer étranger à une parole qui le précède et qui l'oblige. Ce qu'on remarque ici, c'est que le Christ non seulement ne va pas suivre les schémas de guérison qu'on va lui imposer, mais au lieu de joindre le geste à la parole, il va plutôt joindre la parole au geste. C'est le geste qui est premier ici. La parole est seconde. Elle n'est pas à la traîne, mais il fallait tout d'abord que le Christ remette en ordre une capacité d'écoute déficiente en recréant un lien entre l'oreille et la langue. Dans ce passage, donc, le Christ va poser quatre gestes qu'il va compléter par une parole. Il conduit cet homme à l'écart de la foule. C'est le premier geste que le Christ pose. Alors, que fait le Christ en conduisant cet homme à l'écart? Je pense que la première lecture qu'on peut faire de ce geste, c'est le soin tout particulier que le Christ prend de cet homme. Parce que nous le savons, toute créature, vous êtes, je suis, une créature spéciale et unique aux yeux de Dieu. Le psaume 139 le dira, « Je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. » Ce que suggère ce geste, c'est qu'en le mettant à l'écart, le Christ se met à sa portée. Et il se met à sa portée de manière très simple, en utilisant le seul langage que cet homme connaisse, le langage des signes, ou mieux dit, le langage des gestes. Et c'est bien souvent la manière la plus simple, la plus audible, vous en conviendrez, de communiquer l'Évangile ou de témoigner de notre fraternité, par des gestes simples, par une attention particulière. Un service rendu, un coup de main, un geste de la vie quotidienne parle beaucoup mieux qu'un long discours sur la foi. Et pour certains, ça peut être le seul langage auquel on soit sensible, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, nos oreilles se débouchent. Alors le Christ prend cet homme, il le met à l'écart pour capter son attention. Rappelons-nous, cet homme est sourd et il n'a probablement jamais entendu aucun son de sa vie. Et c'est une foule bruyante qui l'amène vers le Christ. Imaginons un peu le traumatisme qu'il aurait subi s'il avait été laissé au milieu de cette foule ou dans un tel environnement. Si le Christ le met à part, c'est parce qu'il tient à ce que son oreille ne soit pas parasitée par une autre parole que par la sienne. Il tient à ce que la seule parole qui compte et qu'il entende après sa guérison soit celle du Christ et non celle des hommes. Non, le Christ ne l'a pas séparé du groupe pour le manipuler, pour l'éloigner des autres, comme le font bien souvent les mouvements sectaires. Mais il le met à l'écart pour le sauvegarder, pour prendre soin de lui, pour nouer avec lui une relation particulière. Et nous savons, pour s'entendre, pour dissiper les malentendus, pour nouer ou renouer une relation, nous le savons, ce qu'il faut faire, c'est d'être en face à face et en tête à tête avec la personne avec laquelle nous avons quelques soucis. Mais c'est ce que fait le Christ. Que fait en fait le Christ en mettant à part cet homme? Il lui présente son visage. Par ce visage, il lui présente l'autre. C'est-à-dire qu'il lui offre un vis-à-vis. Il lui offre la richesse d'un autre que soi. Mais en même temps, il lui présente aussi l'Évangile. Pourquoi? Parce que sur le visage du Christ, sur la face du Christ, nous dit Paul, se révèle la gloire du visage de Dieu et de son Évangile. Et si l'épisode du Jardin d'Éden nous a mis dos à dos à Dieu, avec Dieu, c'est par un face-à-face avec le Christ, par une rencontre, que nous sommes restaurés. C'est le premier geste. Le second geste, il met ses doigts dans les oreilles de l'homme. Alors, est-ce que le Christ a mis tous les doigts en même temps ou les uns après les autres? J'ai une petite idée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'a fait dans les deux oreilles, hein. Sans doute pour un son en stéréo, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a fait avec le doigt et bien avant l'ère du numérique, on peut dire qu'il était déjà dans le digital, hein. Mettre le doigt sur quelque chose, peut-être là où ça fait mal. Sur un point névralgique, hein, comme quelquefois on en a. Il suffit juste d'un doigt, d'appuyer simplement sur une contracture, sur un blocage. C'est exactement ce que fait Jésus. Le doigt justement. Il peut être accusateur ou il peut être libérateur. Il peut faire vivre ou il peut faire mourir. Alors, je ne pense pas à ses doigts, à ses pouces en l'air, hein, dans les, qui sont très répandus sur les réseaux sociaux, vous savez, pour dire combien on aime ou on n'aime pas. Mais par ce pouce en l'air, je pense surtout à ce pouce qui était qu'on utilisait lors des combats de gladiateurs pour faire mourir et vivre. Le doigt est indicateur d'un chemin, d'une direction. Le doigt enseigne, il suit une ligne. C'est le doigt de l'apprentissage de l'enfant qui déchiffre, qui associe les syllabes pour former le son des mots qu'il apprend. Lorsque le Christ met ses doigts dans les oreilles de cet homme, il l'enseigne. Il indique une parole, il indique sa parole, peut-être même les 10 paroles s'il y met tous ses 10 doigts, comme je le comprends. Paroles de salut, paroles de vie, paroles d'ouverture qui vont l'ouvrir. Il fait habiter Omni pour qu'à son tour cet homme habite cette parole, qu'il investisse cette parole, qui pour l'heure cette parole lui est étrangère. Il met ses doigts, il fraye un chemin vers l'intérieur pour atteindre une intériorité, pour que quelque chose résonne enfin en lui et lui fasse vibrer du dedans. Il creuse l'oreille, il recrée les conditions d'une écoute, il recrée une oreille qui, depuis l'Éden, s'était laissée séduire par une autre parole, par d'autres mots que ceux de Dieu. Il met ses doigts, il refaçonne, il remodèle, il écrit sa parole dans son oreille avec ses doigts, comme il le fera plus tard dans la poussière du temple contre ceux qui accusaient la femme adultère, ou comme jadis, il l'a fait sur les 10 tables de la loi, sur les 2 tables de la loi. Remarquons d'ailleurs que le mot « doigt » en hébreu est féminin, ce qui accentue encore plus la finesse et la profondeur de cette écriture. Elle est faite de pleins et de déliés, d'ombre et de lumière, de choses que je comprends immédiatement, mais aussi de choses que je ne saisis pas de suite. Il crache et lui touche sa langue avec sa salive. C'est le 3e geste. Après avoir touché du doigt et remis de l'ordre dans ses oreilles, le Christ pose un geste que notre hygiène moderne va condamner. Cracher, toucher avec sa salive, c'est pas franchement un geste que nous accepterions de recevoir ou de faire. Alors personnellement, je ne partage pas ma salive avec tout le monde. Alors à peine quelques postillons, malgré moi, et pardon pour ceux qui sont au premier rang, d'ailleurs ils se sont éloignés, ils ont bien fait, mais il touche sa langue avec sa salive. Et vous voyez là le désir d'intimité, de proximité à laquelle le Christ nous appelle. Alors Thalès, que j'ai pas connu, mais dont j'ai lu un peu les ouvrages, dit une chose intéressante. Alors c'est le premier physicien et philosophe grec. Il dit que tout est né de l'humide. Tout est né de l'humide. Alors l'humidification de la langue, je le comprends comme un acte créationnel. Il rappelle comment de cette eau première est née la terre que l'humanité a pu habiter. Et c'est logique, hein. Si le Christ tout à l'heure écrit une parole dans l'oreille du sourd, c'est pour que ce dernier l'habite. C'est pour faire émerger de l'humide une terre habitée. Habiter une parole, c'est la goûter, c'est la savourer, c'est la méditer pour pouvoir la partager. Et puis, en réfléchissant, quelle délicate attention de la part du Christ. D'humecter un organe atrophié, de le faire revivre comme une plante assoiffée. Je pense que quelque part, il lui baptise la langue avec sa salive. Il la cicatrise aussi par la même occasion, de tant de blessures cachées. C'est vrai que notre Christ fait tout à merveille. Alors, le 4e geste, c'est que il lève les yeux au ciel et soupire. Comment comprendre ces yeux levés au ciel et ce soupir? Je pense que lever les yeux au ciel, on le fait de manière presque naturelle. Ce sont ces simples regards simplement des regards que nous adressons à Dieu dans la prière. On lève simplement les yeux au ciel et ça suffit, bien souvent. Peut-être que le Christ soupire de fatigue ou de lassitude à cause de la surdité de ses disciples ou à cause de la surdité des pharisiens qui, eux, pour l'occasion, n'avaient pas leur langue dans leur poche. Mais comme beaucoup parmi nous, je pense que ce soupir peut faire allusion à ce souffle que le Créateur insuffle dans les narines du premier homme. Il y a dans ce soupir l'allusion à un enfantement, à ce souffle qui accompagne aussi toute naissance d'être humain, toute la naissance d'un être humain. Alors c'est vrai, nous naissons la véritable vie par le soupir du Tout-Puissant. C'est une première explication. Mais je crois aussi que ce soupir est l'expression d'un profond désir. Alors on dit souvent que on aspire. Une aspiration fait partie du souffle. Mais c'est une aspiration que le Christ exprime de cette manière, tout en nous faisant renaître. Il exprime ce désir que se produise en nous une transformation. C'est le même mot qui est employé dans l'Épître aux Romains pour dire que pour décrire combien la création soupire et aspire à la manifestation de la gloire de Dieu. Par ce soupir, je dirais que le Christ devient notre soupirant. Parce que, par amour pour chacun de nous, dans peu de temps, dans un dernier cri, il remettra son souffle entre les mains de Dieu. Parce que dans ce soupir se profile déjà le message et le langage de la croix, sans laquelle cette guérison ne pourrait avoir lieu. Alors, pour joindre la parole au geste, le Christ va prononcer une parole. Quatre gestes préparatoires pour une seule parole. Ephphatha. C'est pas une formule magique, hein. Ouvre-toi. Je pense que c'est une belle finale pour cette histoire. Dans ce soupir inaudible, les yeux fixés au ciel, retentit cette belle parole. Alors, on m'a souvent dit que un bon devoir, écrit ou oral, doit toujours finir par une ouverture. Eh bien, ça y est, on y est. Et c'est en araméen, sa langue maternelle, la langue maternelle du Christ, et certainement aussi la langue de cet homme, que le Christ prononce cette belle parole. Et l'araméen, nous le savons, c'est la langue de ses entrailles, chaque fois qu'il y avait un événement douloureux, et c'est le cri de Christ à la croix, il s'exprime en araméen, parce que c'est le cri de ses entrailles, c'est ce qui jaillit du fond de son être, et c'est aussi la langue de tous les jours. Alors, cette ouverture, qui est prononcée dans la langue maternelle, n'est pas sans rappeler le jour de la Pentecôte. Vous savez, où chaque personne a entendu les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Alors, ouvre-toi. Je pense qu'il s'agit là, en germe, de la Pentecôte. Je pense qu'il s'agit là d'un ciel ouvert. Je pense qu'il s'agit là d'une invitation à l'ouverture à la vie, à l'ouverture à l'esprit, à l'ouverture à Dieu, à l'ouverture à l'autre. Alors, je ne sais pas vous, mais je me reconnais parfaitement dans l'infirmité de cet homme. Combien de fois je me sens enfermé dans mon monde, dans mes pensées, dans une surdité à toute autre voix, à toute autre parole, à toute autre opinion que la mienne. Comment ne pas nous identifier à sa difficulté au dialogue, à son problème d'élocution, à sa difficulté d'expression, de communication. Je pense, frères et sœurs, qu'il faudrait être sourd à l'Évangile pour ne pas comprendre, dans la double infirmité de cet homme, nos propres difficultés à écouter Dieu, à nous écouter, à nous entendre, à lui parler, à nous parler librement, à dire et à écouter une parole fraternelle. Il faudrait être sourd à la parole du Christ pour ne pas entendre dans la rencontre du Christ avec cet homme et dans les gestes qu'il pose notre propre histoire dans le soupir du Christ. à faire de chacun de nous des personnes ouvertes et libres. Il y a, nous dit ce texte, il y a une ouverture en Dieu. Il y a une ouverture en Jésus. Il existe un ciel ouvert, un tombeau ouvert, il existe une Pentecôte en fait. Il y a en Jésus une ouverture de cœur et de l'esprit. Il y a une dilatation des poumons que ce soupir de Jésus nous signale. Alors ma conclusion sera celle-ci. Alors ne reste pas fermé sur toi-même. Ne sois pas sourd, mais ouvre-toi. Ouvre-toi à la vie, à l'avenir, à l'inconnu, parce que Dieu sait toutes choses. Ouvre-toi à l'amour de Jésus et aux gestes qu'il pose sur toi. Ouvre-toi au soupir de l'Esprit. Ouvre-toi à celui qui est proche de toi. Ne te ferme pas, mais reste ouvert. Ouvre-toi pour qu'ensemble, nous puissions dire comme la foule, vraiment, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Amen.